Bonjour Mathieu et à demain. On a souvent décrit Marcel Proust comme un grand hypocondriaque, obsédé par sa santé, persuadé de souffrir mille maux imaginaires. Mais Proust était avant tout un grand malade et un grand anxieux. Souffrant d'un asthme sévère, il a multiplié les consultations et les médecins pour finir par s'automédiquer en alternant narcotiques, barbituriques, adrénaline, somnifères. Cette condition a bien évidemment percolé dans son œuvre, tant sur la représentation des médecins de la maladie que d'une façon plus générale dans la description et la figuration de la souffrance omniprésente. En faisant le lien entre les affections du corps et celles du cœur, Proust et la médecine, c'est le vaste chapitre que nous ouvrons aujourd'hui. Le cabinet du docteur Proust, c'est le programme médical qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour examiner la façon dont Proust traite la médecine, les médecins, la maladie et le milieu de la recherche médicale, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Mireille Naturel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence émérite à l'université Sorbonne Nouvelle Paris 3, ancienne responsable du centre de recherche proustienne de la Sorbonne Nouvelle. Vous avez dirigé l'ouvrage correctif Littérature et médecine, le cas de Proust. C'est aux éditions Hermann et nous sommes en ligne avec François-Bernard Michel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite de la faculté de médecine de Montpellier, auteur du professeur Marcel Proust. C'est aux éditions Gallimard. Mais on commence par la recherche, non pas du temps perdu, mais la recherche scientifique et son actualité. C'est le Journal des Sciences avec Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence ce journal avec une étude parue dans la revue Nature, avec la découverte d'un trou noir qui aurait provoqué la formation d'étoiles. Oui, les trous noirs supermassifs sont plutôt connus pour leur puissance destructrice. Une équipe américaine a analysé les données du télescope spatial Hubble et ses observations de Enise 2-10, une galaxie naine dans la constellation de la Boussole à 34 millions d'années-lumière de nous. Alors selon les auteurs, il existe une relation de causalité entre le trou noir supermassif au centre de cette galaxie, d'environ 1 million de masses solaires, et une pépinière d'étoiles située non loin de là, avec un taux de formation particulièrement élevé. Alors jusqu'à présent, nous avons peu de données sur l'activité des trous noirs dans les galaxies naines. Et pour la première fois, grâce aux observations de Hubble, cette étude décrit un filament ionisé d'environ 150 parsecs de long qui relie, comme un cordon ombilical, la région du trou noir à ce site de formation récente d'étoiles. Selon les auteurs, ce gaz ionisé, en percutant un autre nuage de gaz près du bord de la galaxie naine, aurait déclenché cette formation stellaire. Et pour tout savoir sur ce trou noir et la formation d'étoiles, eh bien vous pouvez retrouver l'étude dont vient de vous parler Natacha, comme chaque jour, sur notre fil Twitter, @laméthodefc. Et on passe au bref. La police peut désormais utiliser des drones pour la surveillance de l'espace public. Oui, dans le cadre de la loi Responsabilité pénale et sécurité intérieure, le Conseil constitutionnel a validé l'usage des drones par la police pour des missions de surveillance. Les drones peuvent donc être utilisés lors de rassemblements, pour la surveillance des frontières, pour la prévention d'actes de terrorisme ou encore pour la protection des bâtiments publics. Leur usage devra simplement être autorisé par un préfet et non pas par un juge. Le Conseil constitutionnel a également validé les caméras embarquées sur les véhicules de police. La Quadrature du Net, l'Association de défense des droits et des libertés, s'oppose fermement à ces mesures et dénonce des risques d'utilisation abusive. Selon une étude parue dans la revue Geophysical Research Letters, sur Mars, il n'y aurait finalement pas de lac enfoui sous la calotte glaciaire. Et en 2018, la sonde Mars Express de l'ESA avait rapporté un retour radar anormalement brillant qui suggérait qu'il pourrait y avoir, au niveau de la calotte polaire sud, un lac de 20 km de diamètre à 1,4 km de profondeur sous la glace. Des résultats étonnants, car la température et la pression actuelle de Mars rendent peu probable la présence d'eau liquide à sa surface. Dans cette nouvelle modélisation, qui s'appuie sur les propriétés des réflexions radar, cette équipe américaine montre que ce signal ne provient pas de matériaux aquifères, mais de roches volcaniques qui peuvent produire ce même type de signal. Et enfin, selon une étude parue dans le Journal of Archaeological Science, pour la première fois, des égyptologues ont fait la découverte d'une momie enceinte. Oui, par tomodensitogramme, des chercheurs polonais ont découvert un fœtus à l'intérieur de la cavité pelvienne d'une momie vieille de 2000 ans. Un fœtus incroyablement bien conservé, comme un cornichon, je cite. Alors selon les chercheurs, l'environnement utérin de la momie a participé à préserver ce fœtus. Selon l'article, un environnement hermétiquement scellé, pauvre en oxygène et hautement acide, favoriserait la conservation des tissus. Un peu comme pour les hommes de tourbière, ces têtes de momifiées vieilles de 8000 ans, découvertes en Europe du Nord. Les archéologues partent donc à la recherche d'autres exemples de momies enceintes. Merci Natacha, et on vous retrouve lundi pour le prochain Journal des Sciences, puisque demain sera une émission spéciale depuis le festival de Gérardmer. Je vous en dirai plus tout à l'heure à la fin de l'émission. Revenons à notre émission du jour. Marcel Proust, donc, il était non seulement fils et frère de médecin, mais Marcel Proust était également malade, très malade, souffrant d'un asthme sévère avec bronchopathie obstructive, deux éléments centraux dans la vie de l'auteur et qui deviennent centraux également dans son œuvre. Proust est malade, obsédé par sa santé, par l'angoisse que sa maladie lui procure, par la souffrance constante qu'il subit. Il consulte plusieurs médecins, se défie de leur diagnostic et petit à petit, le malade se fait lui-même médecin, spécialiste de sa propre maladie, se prescrivant ses propres traitements, s'intoxiquant de multiples médicaments. Et de fait, la maladie est donc centrale. Et bien dans son œuvre, dans La recherche du temps perdu, Proust porte un regard clinique sur le monde. Tout est susceptible de devenir symptôme, tout sentiment pathologie, toute description diagnostique. Écoutez ce qu'en dit le docteur Maurice Barietti. Nous sommes en 1971 dans les grandes conférences sur France Culture. On ferait une volumineuse anthologie à relever dans l'œuvre de Marcel Proust les innombrables passages où il est question de la médecine et des médecins. Certaines notations sont trop précises et trop techniques pour ne pas avoir été recueillies dans l'ambiance d'un milieu médical. Elles concernent la bactériologie, la pathogénie, la sémiologie, la biologie, l'anatomie. Les malades et leur psychologie si variable selon les milieux ne sont pas oubliés. Mais ce sont évidemment les médecins qui attirent le plus la causticité proustienne. Deux remarques sont ici à faire. La médecine qu'a connue Marcel Proust est celle de 1900, où les moyens de diagnostic et de traitement étaient encore limités. Tous les médecins que Proust nous décrit, Cottard ou Boulbon, le professeur et l'otorhinolaryngologiste consultant, tous, sauf Dieu la foi, sont le produit de la fusion de personnages divers qu'il a connus comme malades dans sa chambre, dans le monde ou dans le salon paternel. Il cumule donc les travers et les ridicules de plusieurs. Marcel Proust, on le voit, n'a rien ignoré de la médecine, des médecins et des malades. Pour avoir stigmatisé ou raillé, après tant d'autres, des défauts et des travers trop certains et trop réels, des insuffisances trop criantes, surtout à son époque, et manifester ainsi son dépit affectif envers une profession et des hommes qu'il aurait voulu malgré tout chérir, il n'emporte pas moins sur eux, dans ses lignes par exemple, un jugement apaisé. Voilà, Maurice Barietti dans les grandes conférences de France Culture en 1971 qui décrit cette causticité proustienne à propos des médecins. Proust a la dent dure contre le corps médical en règle générale. Une réaction à ce que vous venez d'entendre, Mireille Naturel. Je suis d'abord très sensible au ton du professeur Barietti, une déclamation presque à la Sarah Bernard. Et le professeur Barietti a des liens biographiques avec Hillier, devenu Hillier Combray précisément en 1971, c'est-à-dire l'année du centenaire de la naissance de Proust. Et puisque sa famille a encore une maison là-bas. Et donc, il était très, très lié au Proust, médecin, à la fois au père et au frère. Et ce qu'il dit est tout à fait exact. Et il a très bien résumé, selon moi, qui ne suis qu'une littéraire, la situation de Proust face à la médecine. François Bernard Michel, votre réaction à cette archive du professeur Barietti? Oui, alors j'ai bien connu le professeur Barietti et sa voix très remarquable. Tout ce qu'il dit est exact, mais en 40 ans, évidemment, nous avons fait de considérables problèmes. En particulier, nous avons eu la curiosité, avec mon équipe, c'est un modeste sujet de fierté, nous avons eu la curiosité d'aller voir ce qui se passait dans les bronches, car là, c'est une maladie des bronches, et nous avons pu voir que les bronches étaient enflées et démateuses, et on a pu surtout faire des prélèvements des cellules qui se trouvaient dans les bronches de l'asthmatique. On a trouvé des éléments de l'inflammation, c'est-à-dire des cytokines, et des cellules inflammatoires, c'est-à-dire des éosinophiles. Donc on a compris que l'asthme, c'était une maladie essentiellement inflammatoire, et de l'inflammation découle le bronchospasme qui provoque lui-même les sifflements. Et évidemment, du temps du professeur Barietti, les progrès thérapeutiques que nous avons aujourd'hui et qui rendent la vie des asthmatiques quasiment normale n'existaient pas. Et ils existent grâce à cette découverte de l'asthme, maladie inflammatoire. Alors évidemment, après la crise, après les asthmes critiques, l'asthme évolue vers l'obstruction chronique, la BPCO. Et la première description de l'asthme de Marcel, et c'est fait par son frère, il a 9 ans, il se promène au mois de Boulogne, et Marcel fut pris d'une effroyable crise de suffocation qui faillit l'emporter devant mon père terrifié. Alors il faut souligner que le père est professeur à la faculté de médecine, et qu'il soit terrifié devant la crise d'asthme de son fils, ça témoigne qu'il était totalement incapable d'aborder cette crise d'asthme. Car l'asthmatique est aussi, on peut le dire rapidement, à la fois l'asthme, vous avez raison de le souligner, est terriblement invalidant, l'asthme de Proust toute sa vie, mais aussi c'est un drôle d'individu, l'asthmatique, parce qu'il évolue par crise. Mmh. Et la crise, comme toute crise du pétrole, de l'inflation, etc., elle évolue en trois phases, phase de préparation, phase du sommet d'essoufflement, phase de résolution de l'essoufflement, et au stade 3, l'asthmatique est un peu différent du stade 1, c'est-à-dire que quelque chose s'est résolu dans cette crise. Mmh. Je le disais dans l'introduction à cette émission, on a souvent, ou en tout cas il y a un topos ou un lieu commun qui décrit Proust comme un grand hypochondriaque. Il n'était pas du tout hypochondriaque, c'était surtout un grand malade et un grand anxieux, Mireille Naturel. Oui, tout à fait. Mais je voudrais revenir sur cette première crise d'asthme qu'a mentionné le professeur François-Bernard Michel. Et à l'âge de 9 ans. Hein. Oui, tout à fait. À l'âge de 9 ans. Et il décide, évidemment, du destin de l'homme, Marcel Proust, mais elle décide aussi de son œuvre, puisqu'il cesse de venir à Illier, où il était confronté aux graminées de la campagne, et il doit partir vers Cabourg, vers Trouville, parce que l'air marin lui est favorable. Et c'est donc à partir peut-être de cet incident de santé qui est majeur que va se construire l'œuvre, avec son binarisme côté campagne, côté mer, et toute cette analogie que l'on retrouve à travers À la recherche du temps perdu. Est-ce que vous êtes d'accord l'un et l'autre pour dire que finalement on peut vraiment relire toute la recherche avec ce prisme de la maladie comme élément central, et que cette vision de Proust, finalement, sa façon de décrire les affects, les sentiments, est proche de ce que pourrait être une forme de diagnostic médical, Mireille Naturel? Oui, je pense que la maladie traverse toute l'œuvre, que la maladie a conditionné l'œuvre. Proust reste l'écrivain qui a écrit son œuvre couchée, sous son tas de couvertures, avec sa pelisse, ses plaides multiples. Donc le mode d'écriture même est conditionné par la maladie, et son mode de vie aussi, son rapport à la société également, puisqu'on le sait, il restait éveillé la nuit à cause de son angoisse, l'angoisse d'être pris d'une crise d'asthme et de ne pas avoir de secours immédiat. Et toute sa vie il subit cette angoisse de ne pas réussir à terminer son œuvre. Et c'est cela qui l'amène à mettre le mot fin, alors que trois volumes, les trois derniers volumes ne sont pas encore écrits. Enfin, écrits si, mais pas relus, pas publiés. Donc je pense que la maladie traverse vraiment toute l'œuvre. Oui. Et le mot fin qui met quelques jours d'ailleurs avant son décès, hein, vraiment très peu de temps avant la crise qui l'emportera. Votre sentiment à ce propos, François Bernard Michel, sur... Oui, absolument. Il s'enferme dans sa chambre pour écrire. Alors, il est vrai que l'asthme le gêne, mais il est vrai aussi qu'il s'en sert de cet asthme pour tout ce qui lui arrange quand il veut refuser des invitations, etc. Et puis, il ira quand même plus loin en déclarant que ceux qui se plaignent de ne pas le voir assez profiteront de ce qu'il écrit et que son œuvre est bien plus importante finalement que sa présence dans les salons. Alors, si vous voulez, on peut citer la première allusion de Proust dans son œuvre. Elle est tirée d'une nouvelle des plaisirs élégiaux intitulée L'indifférent. C'est une histoire très banale. C'est une jolie femme qui affole le tout Paris et qui séduit le tout Paris. Mais Madeleine de Gouvre, elle a un individu, un jeune homme qui résiste à son charme, c'est Monsieur Lepré. Et alors, parce qu'il résiste à son charme, elle s'efforce de le séduire, et finalement, elle s'aperçoit qu'elle est un échec. Et alors, au moment où Madeleine de Gouvre apprend le départ de ce Lepré, auquel elle n'avait pas songé, elle comprenait seulement, en sentant tout ce qui s'arrachait d'elle, ce qui est entré, et elle fait une crise d'asthme. Et Proust ajoute, c'est ainsi, il nous faut le manque pour percevoir le prix de tout, et Madeleine, accablée, n'en veut pas que l'asthme qui l'étouffe, le pauvre malade suffocant, qui au travers de ses yeux pleins de larmes, sourit aux personnes qui le plaignent sans pouvoir l'aider. Il reprend dans une autre nouvelle qui s'appelle La fin de la jalousie. C'est une histoire un peu parallèle. Un homme qui a une maîtresse, il a un accident de cheval qui l'immobilise avec une fracture qui l'immobilise au lit. Et on lui révèle, pendant qu'il est alité, qu'un tel profite de sa maîtresse. Et alors, il fait une crise d'asthme. Et le médecin qui est appelé conclut que c'est une légère attaque d'asthme nerveux. Alors ce mot de nerveux, évidemment, Proust l'entendra une grande partie de sa jeunesse. Il finira par le dépasser, par comprendre qu'on se moque de lui avec cette histoire de nerveux. Et alors le frère du blessé lui dit qu'au fond il s'écoute trop, que son asthme n'est pas si terrible que ça. Et Proust ajoute, au fond de sa vie, il écoutait toujours la mort qui ne le quittait jamais. Et il perçoit l'effrayante chose que c'est de respirer et de vivre. Donc il y a une perception très aiguë de la proximité de la mort dans la crise d'asthme. Ouais. Il y a aussi une autre lecture, ou en tout cas une autre analyse, je vais me retourner vers vous, Mireille Naturel, qui dit ou qui laisse entendre que finalement, la prosodie de Proust, ses phrases, la longueur de ses phrases, sont aussi liées finalement à quelque chose de l'ordre d'une respiration, ou qu'on peut lier en tout cas cette difficulté à respirer ou à reprendre son souffle comme ayant une influence sur la syntaxe si particulière de Proust. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, ce serait une revanche du style sur la maladie, parce voilà, que les phrases sont très longues, sont extrêmement longues, alors qu'il avait du mal à respirer. Donc, je n'en suis pas entièrement convaincue. Hein. Je pense qu'il y a des raisons stylistiques qui n'ont rien à voir avec l'asthme dans cette construction de la phrase longue. Mais là, je relisais le magnifique passage sur la mort de la grand-mère et j'ai constaté que à la fin de cet épisode, parce que c'est plus qu'une description, c'est un épisode, hein, c'est un chapitre entier qui structure aussi l'œuvre, dans le côté de Guermantes d'ailleurs, et le souffle de la grand-mère, ce souffle heureux de délivrance lorsqu'elle est sur le point de quitter ce monde, eh bien ce souffle est comparé précisément à une phrase longue qui s'épanouit, qui remonte, qui redescend, etc. Donc vous voyez, dans ce moment qui est vraiment un moment fatidique, celui de l'agonie et de la mort imminente, eh bien il y a cette référence à la phrase qui renaît. On l'écoutera tout à l'heure, on écoutera un extrait justement de ce passage que vous venez de citer, la mort de la grand-mère dans Du côté de Guermantes, mais on va revenir dans un premier temps un peu à Proust, à sa vie, et vous allez voir à quel point non seulement la maladie, sa maladie a évidemment beaucoup de place, mais la médecine, et elle va complètement bien dessiner, déterminer son rapport à la médecine, au corps médical, et puis évidemment à son propre corps. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et nous parlons donc tout au long de cette heure de Proust et de la médecine et du rapport à la médecine dans La recherche du temps perdu. Nous en parlons avec Mireille Naturel et François Bernard Michel. On peut le redire, Mireille Naturel, hein, par Proust vient d'une famille de médecins. Il est fils et frère de médecins et on l'appelle parfois le troisième médecin de la famille, justement, par rapport à au lien qu'il peut avoir avec la médecine et à sa propre maladie. Tout à fait. Et je pense que le professeur François Bernard Michel le confirmera par son dernier livre que j'ai beaucoup aimé. Proust, c'est aussi quelqu'un qui soigne, enfin comme un grand nombre d'écrivains. Je ne sais pas s'il en a conscience par rapport à lui-même, mais il en a conscience en tout cas par rapport au sens profond qu'il donne à l'œuvre d'art. L'art, c'est quand même ce qui permet de dépasser la souffrance, ce qui donne un sens à la vie, et c'est d'ailleurs pour cela aussi qu'il cite comme modèle les Mille et une nuits, puisque cette jeune femme Shirazade va libérer toutes les femmes qui étaient victimes du sultan. Donc c'est déjà une conception de ce que l'on appelle maintenant l'art-thérapie, finalement, et qui est démontrée dès Un amour de Swann. Parce que dans Combray et dans Un amour de Swann, autrement dit dans le premier volume, vous avez déjà une mise en place des différents éléments. Vous avez dans Combray le docteur Percepied, qui est très important, je pourrais y revenir. Et vous avez aussi, bien sûr, la Françoise, vous avez la fille de cuisine, mais vous avez, dans Un amour de Swann, le rapport caricatural, mais tout est caricatural, de Madame, chez ce personnage, de Madame Verdurin à la musique. Et la sonate en fa dièse lui donne des crises, un rhume, lui provoque un rhume avec névralgie faciale. Donc, elle a un rapport grotesque à l'art, alors que, par la suite, la petite phrase va enchanter le narrateur et va lui apporter un apaisement pour de multiples raisons. Donc, l'art, effectivement, a une fonction salvatrice pour Proust. François Bernard Michel, sur les liens que Proust entretenait justement avec son père et son frère, tous deux médecins. Alors là, il y a deux tendances. On peut penser qu'ils s'entendaient très bien, qu'ils s'aimaient, que c'était le grand amour dans la famille, etc. En fait, dans cette famille Proust, il y a deux clans. Il y a la mère et Marcel, et puis il y a le père et Robert. Alors, le père, c'est un professeur d'hygiène à la faculté de médecine qui prône à la prévention, mais en fait, il ne connaît rien à la médecine. Et la meilleure impression, c'est qu'il confie son fils au professeur Brissot, qui était un neurologue. On ne voit pas ce que ce neurologue pouvait faire sur l'asthme de Marcel. Et c'est Brissot qui a assaisonné Marcel avec des histoires de nerveux. Vous êtes nerveux, alors calmez-vous, et puis Ça ira bien. Bon, alors le père, il est d'origine rurale, il est homophobe évidemment, il est antisémite, ce qui est assez cocasse quand on pense qu'il a épousé une juive. Et au contraire, la mère est fine, cultivée, elle élève Marcel dans la littérature, dans la culture, et Marcel adore sa mère, si bien que le décès de sa mère constituera un traumatisme grave dans sa vie. Et en particulier, il lui avait promis à sa maman, avant de mourir, de faire une cure pour son asthme. Et alors Marcel a voulu tenir sa promesse. Il est allé dans la maison de cure du docteur Saulier à Boulogne, mais manifestement, il n'a pas effectué cette cure comme il le fallait. On pourrait parler longuement de ce problème des cures de Madame Proust et d'autres professeurs pensaient que le fait d'entrer pendant 2 mois couché dans un lit de clinique, ça allait calmer l'agitation, ça allait calmer l'asthme, etc. Alors qu'il n'y avait aucune raison, évidemment, que ce soit thérapeutique. On reviendra tout à l'heure, dans un instant, sur cette cure. Mais François-Bernard Michel, ce qui est intéressant, c'est que Proust, et il le dit, hein, il le décrit lui-même dans plusieurs lettres de sa correspondance, il a vraiment baigné dans des conversations médicales. C'est-à-dire que très petit, déjà, il évolue dans un milieu où on parle de médecine, où on parle de pathologie, où son père, même si effectivement vous en faites un tableau peut-être pas très très flatteur, s'intéresse à la chose médicale, reçoit des médecins, donc il baigne dans un environnement où la médecine fait partie de son quotidien. Absolument. Lorsqu'il était jeune, à la maison, il était à la table parmi les invités célèbres, parmi tous les grands noms de la médecine parisienne, le professeur Robin, le professeur Potin, le professeur Charcot. Il a connu tous ces grands de la médecine. Il les a écoutés. Mais par-ci par-là, il porte des jugements très très durs sur ses médecins parce qu'il sait très bien lui que son asthme n'est pas nerveux, qu'il y a autre chose, qu'il y a une explication, et il leur en veut finalement de l'avoir traité ainsi. Et on verra à la fin de sa vie, lorsqu'il aura sa pneumopathie terminale, qu'il va écrire aux frères de Rivière, un docteur Rivière qui est à Bordeaux, pour se renseigner à l'insu de ses médecins sur le pneumocoque, parce qu'on lui a dit « vous avez une pneumonie à pneumocoque ». Alors il prend des renseignements sur le pneumocoque, il a consulté aussi le fameux grand neurologue, le professeur Babinski, parce qu'il abusait d'adrénaline qui lui donnait des maux de tête, et il a pensé avoir une tumeur du cerveau. Et Babinski en allait tromper, mais en aparté, quand il sort du cabinet, il dit « oui, on sait bien ce que ça veut dire, il vous dit ça pour vous rassurer, mais c'est pas vrai ». Et il me dira pendant quelque temps persuadé qu'il a une tumeur du cerveau inopérable. D'ailleurs, on voit très très vite, Mireille Naturel, qu'il va commencer à consulter, il va consulter beaucoup de docteurs et de médecins différents, et finalement, plus il en consulte, moins il a confiance, et plus il va commencer à s'automédiquer jusqu'à arriver à des seuils d'intoxication très très élevés. Sa vie est rythmée par les différents médicaments qu'il prend pour se réveiller, pour s'abrutir, et il devient dépendant à un certain nombre de produits. Oui, tout à fait. Il est dépendant aux narcotiques et il est aussi dépendant des fumigations, ce qui provoque des nuages de fumée dans sa pièce, et il vit de cette façon-là. Et donc les personnes qui lui rendent visite peuvent suffoquer à leur tour puisqu'elles sont prises par cette pratique. Pour les médicaments, évidemment, je ne suis pas la personne la plus compétente pour les citer, mais je sais qu'il en utilise beaucoup et qu'il les cite aussi dans son œuvre, parce qu'il y a de nombreux personnages de malades. Finalement, il parle assez peu de sa propre maladie dans l'œuvre. Il a distribué toutes ses caractéristiques à ses multiples personnages. Et donc, c'est très net. Encore une fois, dans le cas de la mort de la grand-mère, on lui donne aussi, et dans le cas de Bergotte aussi, on lui donne des narcotiques, on lui donne de la morphine. La morphine a beaucoup d'importance dans cette œuvre, et elle est confrontée à l'oxygène. Justement, en relisant ce passage, on se dit qu'il y a une modernité aussi dans cette œuvre de Proust par rapport à l'importance qu'a pris l'oxygène dans le traitement de la Covid à l'heure actuelle. Oui, c'est vrai que ça peut être assez troublant de contemporanéité. En travaillant sur l'émission, je me suis fait la même réflexion. Peut-être un mot, François-Bernard Michel, également sur, puisque nos auditrices et nos auditeurs ont peut-être pas cette conscience-là, mais on le disait déjà en quelques mots, Mireille Naturel l'évoquait tout à l'heure, la maladie transforme complètement son rapport au quotidien. son asthme sévère, qui va le traiter d'ailleurs non pas en suivant les recommandations de son père, mais plutôt celles de sa mère, c'est-à-dire en serre chaude, enfermé dans sa chambre, à ne plus sortir de la journée, à sortir seulement la nuit pour éviter les pollens, sans feu de cheminée pour éviter là aussi les particules qui le font suffoquer. Donc il vit dans une chambre très froide, sous des tonnes de couvertures. Sa vie est complètement bouleversée par ce rapport anxieux et obsessionnel à la maladie. Absolument, il a la hantise du froid, de l'humidité, il faut faire réchauffer ses draps, etc. À propos des somnifères, il faut dire qu'il est addict aux barbituriques. Alors, ces barbituriques sont des produits extrêmement efficaces sur le sommeil. Là, si vous voulez dormir, vraiment, il y a plus que ça. D'ailleurs, désormais, on les prescrit plus dans l'insomnie. Mais pour se réveiller, c'est terrible. Il a besoin de doses de boire des tasses entières de café. Il y a toujours la cafetière qui est sur le point. Et moi, je dois dire que je me pose une question. Comment, après avoir absorbé ces produits, il était capable encore d'écrire? Il devait avoir des phases d'accommodation assez lentes entre le réveil et puis le boulot. Puis alors, il y a les fumages. Alors, les fumages, c'est du datura, c'est-à-dire du stramoine, un produit qui est totalement inefficace. J'ai fait le test sur moi-même, bien que ce soit pas automatique. En fait, c'est fumant, c'est rien. Et alors, il faisait tout un cérémonial dans une petite pièce à côté de sa chambre, et il quadruplait les doses de stramoine, si bien qu'il a fini par avoir une stramoniomanie, une intoxication au datura, qui a peut-être joué un rôle dans son activité créatrice, sans qu'on puisse l'affirmer. Vous savez que le datura, c'est quand même un poison, et il avait donc toute une... Il a essayé à peu près tous les médicaments possibles, mais c'est fumage qui avait sa préférence. Oui, vous voulez réagir? Oui, je voulais dire que la fin de sa vie a été pathétique. Quand le professeur François-Bernard Michel s'interroge sur les conséquences de cette addiction aux narcotiques, on a des descriptions de Proust à travers sa correspondance quand il s'adresse à Rivière, parce qu'il est complètement angoissé à l'idée précisément que son œuvre ne soit pas terminée et surtout qu'on la corrige mal jusqu'au bout. Il veut être le maître de ce qui se fait, malheureusement il ne le pourra pas. Et il est pris de vertige, il a des chutes, il est dans un état de délabrement total dans ces derniers jours. Un mot peut-être aussi, puisque vous l'évoquiez tout à l'heure, François-Bernard Michel, sur cette cure. Tout ça, quand on parle de cette période-là, Proust est très très jeune, hein, il a 23 ans quand il commence à s'enfermer, quand il commence justement à abuser des différents produits, des différents médicaments barbituriques, narcotiques, il prend de l'adrénaline aussi. Et puis il y a cette cure de 1906 chez le docteur Sollier après la mort de sa mère, qui va là aussi avoir une importance vraiment cruciale dans sa vie, François-Bernard Michel. Vous avez absolument raison. Il avait pris contact avec le fameux grand neurologue professeur Dejerine, qui lui avait dit vous venez tout de suite dans ma clinique, moi je m'occupe de vous. Et puis en même temps, il avait entendu parler de Sollier. Et alors il a hésité, il a demandé à Madame Strauss ce qui vaut mieux. Finalement, il est allé chez Sollier parce que Sollier lui a paru un peu plus libéral. Et alors, ce qui est intéressant avec ce docteur Sollier, c'est que c'est le nom de médecin qui a été un peu trop oublié et qui avait quand même une façon, une abord thérapeutique de ces malades intéressant. C'est-à-dire qu'il leur faisait raconter le passé pour chercher un traumatisme initial qui avait pu les contrarier. Et il n'a pas créé le mot de réminiscence, mais il a inventé les réviviscences. C'est-à-dire qu'il essayait, par la parole du malade, à recréer des situations qui avaient pu créer un problème conflictuel. Donc, en ce domaine, il a été important. On l'a complètement oublié, ce qui est dommage. Mais alors, chez Sollier, Proust a fait une cure très fantaisiste, c'est-à-dire il devait y passer 2 mois, il ne devait pas écrire, il ne devait recevoir personne. En fait, c'était la foire permanente. Et d'ailleurs, il a écourté la scène en décrétant que ça ne lui avait... La cure, en décrétant que ça ne lui avait rien fait, que Sollier avait des tarifs trop élevés Enfin, ça s'est pas bien passé. Ouais. C'est intéressant, Mireille Naturel, parce que sans avoir lu Freud, Proust, du coup, via Solier, on voit qu'il s'intéresse aussi à ce qu'il appelle d'ailleurs dans sa correspondance les traitements psychothérapeutiques, dans une longue lettre qu'il adresse au docteur Georges Linossier, et qui est une connaissance de son père. Et on voit qu'il s'intéresse, ou en tout cas, il va fouiller un peu du côté de ce qu'on appellerait aujourd'hui les affections psychosomatiques. Il est tout à fait dans cet état d'esprit-là. Bon, d'abord, ça correspond à la période. Certes, il n'a pas lu Freud, et Freud ne l'a pas lu, mais comme on l'a rappelé, il vivait dans un milieu médical où on parlait forcément des innovations et des théories et des pratiques qui se développaient. Et son intérêt pour le moi profond, déjà, puisqu'il oppose le moi superficiel, le moi mondain, au moi profond, qui est le moi de la création, le fait se rapprocher de la démarche psychanalytique, avec le rôle que l'on sait qui est accordé à l'inconscient. Et il y a aussi tout son intérêt pour le dédoublement de la personnalité, qui rejoint d'ailleurs cette division du moi en deux. Il faut repenser aussi à l'ouverture de la recherche. Tout est mis en place dans cette ouverture où le héros s'endort, se réveille, se demande s'il a bien pris conscience de son endormissement. Enfin, il y a tout un travail sur le sommeil aussi, sur ce qui était éprouvé par le sommeil, sur le cauchemar. Enfin, je pense notamment à Bergotte et à ses insomnies. L'insomnie joue un rôle narratif très important dans l'œuvre. Et c'est vrai que finalement, ce qu'il fait avec la littérature, c'est ce que le psychothérapeute fait avec la thérapie, avec l'analyse. Il va dans les profondeurs de l'être, il va dans les profondeurs de l'inconscient, et sa démarche littéraire est vraiment tout à fait symétrique à la démarche psychanalytique, je trouve. On a bien exploré justement les rapports de l'homme, Marcel Proust, avec la médecine, avec la maladie. Nous allons maintenant évidemment plonger dans son œuvre, dans la recherche, et voir comment cette maladie, ce rapport à la médecine, ce rapport également à l'inconscient, tout ça se retrouve et est retranscrit dans la recherche du temps perdu. Who did cast the devil out of the afflicted time and time again? Oh, Dr. Jesus, what makes you not lay your hand on this poor sister's head and chase the devil out of her down a steep place into the sea like you used to do time and time again? Lift this poor cripple up out of the dust and lift up his woman and make her well time and time again. And say, Jesus' sake, amen. Ella Fitzgerald, au Dr. Jesus, extrait de Porgy and Bess. Dans la méthode scientifique sur France Culture, nous parlons non pas de Jésus, mais des docteurs, en tout cas des médecins, de la médecine et de la maladie dans l'œuvre de Marcel Proust. Nous en parlons en compagnie de Mireille Naturel, qui est maîtresse de conférence émérite à l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 et ancienne responsable du Centre de recherche proustienne de la Sorbonne Nouvelle, et François-Bernard Michel, qui est professeur émérite de la Faculté de médecine de Montpellier. Maintenant donc que nous avons avons parlé de l'homme, parlons de l'œuvre, de la place de la maladie et de la médecine qui sont l'une comme l'autre centrales dans la recherche. Comment est-ce que vous la définiriez, Mireille Naturel? Est-ce que ça peut être finalement une nouvelle porte d'entrée ou en tout cas un fil de lecture particulier quand on se réattaque ou quand on attaque même pour la première fois la recherche du temps perdu? Ça peut l'être effectivement dans la mesure où l'œuvre s'ouvre sur une scène de sommeil, ce qui est quand même très rare dans la littérature, surtout la littérature qui a précédé Proust, évidemment, et on est assez vite confronté à des questions médicales, à des situations médicales, et il y a un très grand nombre de personnages atteints de maladies. La souffrance est très importante comme thématique. On peut la voir sous différents angles, évidemment. Elle se manifeste sous différents aspects physiologiques, psychologiques, etc. On pourrait, mais ceci dit, ce serait quand même réducteur hein, si on ne voyait la recherche comme l'expression de la maladie. Une des nombreuses portes d'entrée, certainement oui. Pas la seule, bien entendu. Votre sentiment à ce propos, François-Bernard Michel? Oui, alors là, nous venons d'aborder un tournant extrêmement important dans l'œuvre, dans la vie d'abord, et puis dans l'œuvre de Proust. C'est-à-dire qu'après l'avoir bassiné et trompé longtemps avec le nerveux, on est passé au psychosomatique. Alors ça faisait plus chic, ce que vous avez, c'est psychosomatique. C'est une formule que je me suis efforcé de chasser de dialogue médical depuis longtemps, parce que ça ne veut absolument rien dire. Dans l'être humain, tout est psychosomatique, dans la mesure où nous ne sommes pas la totalité d'un corps et d'un esprit, mais nous sommes une globalité. Alors le grand mérite de Proust, c'est d'avoir réalisé le saut du physique dans le psychologique. Et ça, c'est très important parce que d'autres que lui l'ont fait, évidemment, mais il a réalisé dans ce domaine des transformations importantes. Et on peut pas, moi, une formule qui m'a beaucoup aidé dans ma pratique médicale, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à Proust. Si vous permettez, je vous la lis. C'est à propos de la duchesse de Guermantes. Il est allé, c'est Madame Greffule, qui l'avait beaucoup impressionné. Il est allé à Auxerre pour voir le neveu Saint-Loup pour essayer d'avoir sa photo. Il n'a jamais pu avoir la photo. Alors il se cache sur son passage pour l'avoir passé. Et puis un beau jour, il la voit plus. Alors il dit, voilà ce qu'il écrit. On aurait dit, explique le narrateur dans du côté de Guermantes, qu'une partie de ma poitrine avait été sectionnée par un anatomiste habile, enlevée et remplacée par une partie égale de souffrance immatérielle, par un équivalent de nostalgie et d'amour. Et les points de suture ont beau avoir été bien faits, on vit assez malaisément quand le regret d'un être est substitué au viscère. Alors, cette phrase qui n'a l'air de rien m'a beaucoup aidé pour moi personnellement dans ma pratique médicale, parce que je me disais, mais enfin, mais c'est l'asthmatique qui vient de te voir, et Dieu sait s'il y en avait, parce que j'avais les moyens de les traiter à ce moment-là, j'étais jeune médecin. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils viennent se plaindre, ils viennent se gémir, et puis alors ils rigolent 3 minutes après la crise, c'est ce qui se passe. Et en fait, j'ai compris que leur sifflement, c'était la parole inexprimable qui s'exprimait par un sifflement des bronches, c'est-à-dire qu'il s'agissait de changer de langage. Il y avait une souffrance, si vous voulez, au creux de la poitrine, qui remplaçait une souffrance lambda, que je ne connaissais pas évidemment, mais qui s'exprimait par ce sifflement. Vous savez que vous avez entendu des asthmatiques, sifflement qui est terriblement... renouvelé, toujours identique. Alors, qu'est-ce que ça voulait dire, ce sifflement? J'ai compris, donc, il exprimait une douleur. Et il a fait la même métaphore à propos de l'anaphylaxie et de la découverte de l'allergie. Si vous avez une minute, je le précise. Richer et Portier, en 1902, deux chercheurs français, viennent de découvrir l'anaphylaxie. Ana, contraire, phylaxos, la prévention. C'est-à-dire que ces deux chercheurs voulaient immuniser les chiens contre des piqûres venimeuses, et en fait, ils ont tué le chien. Parce que le chien fabriquait des anticorps, qu'on ne connaîtra que beaucoup plus tard, pour refuser le produit externe qu'on voulait injecter, c'est un vieux truc. Bon. Mais Proust, il fait le rapprochement un ou deux ans plus tard, c'est là où il est génial, entre un rejet biologique, qui est le rejet de l'anaphylaxie, et le rejet psychologique, car il écrit à propos de la princesse de Turquie, qui l'accable de ses assiduités dans les soirées, dès qu'elle le voit, elle se précipite sur lui, il en a marre. Et alors il dit, ben, dans notre comportement social, il dit, sans parler d'anaphylaxie, parce qu'il n'ose pas parler de médecine, mais en fait il en parle, pour dire que dans nos vies, nous avons des rejets de personnes, et je trouve que c'est génial qu'il ait fait, qu'il ait pratiqué ce saut de la biologie dans la psychologie, et on va le retrouver, ce saut, dans un peu plus tard, c'est-à-dire qu'on sait pourquoi l'allergique refuse des éléments tout à fait inoffensifs comme le pollen, le poil de chat, etc. C'est parce qu'il fabrique des anticorps contre ces éléments. Et bien, de la même façon, il faut qu'il y ait un contact entre un pollen, un grain de pollen et un anticorps de l'individu pour qu'il y ait une crise d'asthme. Et lui, Proust a compris qu'il y avait un conflit entre un souvenir, on peut pas dire un conflit, il y avait un rapport entre un souvenir, comme tremper sa madeleine dans une tasse de thé, et puis une réminiscence, et il a été pionnier, là, en psychoneuro-immunologie, dans la mesure où il a montré que pour la sensibilisation biologique, il faut du temps, il faut que l'individu fabrique des anticorps contre le pollen. Et dans la réminiscence, c'est pareil. Il y en a fait tout un travail. C'est-à-dire que l'individu se souvient vaguement en mangeant la madeleine et qu'il y a quelque chose qui tourne autour. Et ça monte lentement. Il a analysé parfaitement le phénomène. Et finalement, à un moment donné, il fait le lien entre les deux. À ce moment-là, c'est un bonheur, une félicité extraordinaire. Et il a le fruit de son travail, qui est un véritable... Comment dirais-je, il remonte dans le passé. C'est un travail qui est le fruit d'une activité. Et ce qui est intéressant dans la réminiscence proustienne, car des réminiscences, nous en avons tous, c'est que lui, il revit au présent une scène du passé avec une très grande acuité. C'est-à-dire que c'est exactement une représentation de la scène du dimanche matin chez la tante Léonie. C'est ça qui est passionnant chez Proust. Et on en revient à ce que vous disiez effectivement tout à l'heure sur la réminiscence. Je vous interromps parce que j'aimerais qu'on revienne plus précisément à deux choses, c'est-à-dire vraiment le rapport de ce qu'implique justement sa maladie sur la façon dont Proust dépeint le rapport au corps et également le rapport au corps médical. Il y a un autre extrait que je voulais vous soumettre. On va entendre dans un instant ce dont vous parliez tout à l'heure, Mireille Naturel, c'est-à-dire la mort de la grand-mère du narrateur. Mais moi, il y a un extrait que j'aime vraiment beaucoup dans à l'ombre des jeunes filles en fleurs que je vous livre. Proust écrit: c'est dans la maladie que nous nous rendons compte que nous ne vivons pas seuls, mais enchaînés à un être d'un règne différent dont des abîmes nous séparent, qui ne nous connaît pas et duquel il est impossible de nous faire comprendre notre corps. Le rapport au corps n'est peut-être pas l'aspect qui, enfin pour moi du moins, s'impose le plus à la recherche du temps perdu, si ce n'est justement cette transformation du corps par la maladie. Voilà. Et il y a de multiples personnages, parce qu'il n'y a pas que l'asthme comme facteur de maladie dans la recherche du temps perdu. Vous avez l'urémie, vous avez les coliques néphrétiques de la fille de cuisine. Le seul personnage qui soit le reflet pur, je crois, du héros narrateur, c'est la tante Léonie, cette neurasthénique, parce que c'est une représentation aussi de la neurasthénie, et donc l'aspect psychologique est quand même très important dans son rapport au monde. Et mais sinon, il y a d'autres personnages, et ce que Proust décrit remarquablement bien, c'est précisément la transformation du corps par la maladie. Enfin, une transformation qui fait souffrir le lecteur pratiquement autant que le personnage. Enfin, que ce soit la Berma avec son artériosclérose, avec ses veines qui se durcissent. Enfin, il y a toute une pétrification, d'où l'importance effectivement des métaphores filées qui sont très fréquentes et très bien menées dans les descriptions de maladies. Donc, il y a vraiment une transformation du corps, du visage qui devient un masque ossifié, de toutes les parties du corps, que ce soit donc pour la Berma, que ce soit pour Bergotte, c'est aussi un malade, il en meurt de sa maladie, que ce soit Swann avec son cancer, que ce soit donc la plus grande malade qui meurt d'une façon éblouissante, si je puis me permettre cette expression, à savoir la mort, la grand-mère. Donc voilà pour moi le rapport au corps. Mais à propos de la mort de la grand-mère, je vous propose d'écouter justement un extrait lu par Daniel Misguich. C'était seulement le docteur Dieu Lafoy qui venait d'arriver. Mon père alla le recevoir dans le salon voisin, comme l'acteur qui doit venir jouer. On l'avait fait demander non pour soigner, mais pour constater, en espèce de notaire. Le docteur Dieu Lafoy a pu en effet être un grand médecin, un professeur merveilleux. À ses rôles divers où il excella, il en joignait un autre dans lequel il fut pendant 40 ans sans rival. Un rôle aussi original que le raisonneur, le scaramouche ou le père noble, et qui était de venir constater l'agonie ou la mort. Son nom déjà présageait la dignité avec laquelle il tiendrait l'emploi. Et quand la servante disait « Monsieur Dieu la foi », on se croyait chez Molière. À la dignité de l'attitude concourait, sans se laisser voir, la souplesse d'une taille charmante. Un visage, en soi-même trop beau, était amorti par la convenance à des circonstances douloureuses. Dans sa noble redingote noire, le professeur entrait, triste, sans affectation, ne donnait pas une seule condoléance qu'on eût pu croire feinte, et ne commettait pas non plus la plus légère infraction au tact. Au pied d'un lit de mort, c'était lui, et non le duc de Guermantes, qui était le grand seigneur. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Voilà, un extrait, parce que la scène de la mort de la grand-mère est évidemment très longue, mais si on a choisi cette partie, c'est vraiment pour la façon dont il le décrit, ce docteur qui n'est plus là pour soigner, mais qui est là pour constater l'agonie. Et on voit bien, finalement, à travers cette image-là, à quel point Proust a dépeint des portraits de médecins quand même souvent un peu grotesque ou un peu incompétent, cet autre médecin qui fait passer ses obligations mondaines avant celles de médecin, c'est le professeur. Et enfin, ces médecins ne sont pas des figures qui pourraient venir justement sauver contre la maladie, ce sont souvent des gens un peu incapables, quoi. Oui. Impuissant, oui. Plutôt qu'incapable, impuissant, c'est impuissant plus juste. Impuissant face à la maladie. Donc, il se succède au chevet de la grand-mère. C'est la scène la plus émouvante de toute la recherche. Et on sent tout à fait la douleur, la souffrance du héros, mais bien sûr aussi de la mère face à la grand-mère. Alors, si l'on en revient au médecin, il se succède et ce professeur, il est finalement plus complexe qu'il n'y paraît. Bon, il paraît complètement superficiel dans un premier temps, puisqu'il dit immédiatement au héros, et pourtant il connaît le père et le grand-père, « Je dois aller dîner avec le ministre du Commerce, je ne vais quand même pas m'occuper de votre grand-mère. » Et puis finalement, il est pris de remords et il va consulter la grand-mère. Et il a même la délicatesse, sachant que c'est une femme de lettres, une femme lettrée, de lui offrir des citations et de faire comme si elle avait encore de l'espoir. Bon, ceci dit, il est considéré comme un mondain, et ça, on n'a pas parlé de cet aspect-là, mais il y a une représentation sociale aussi du médecin, comme dans Flaubert d'ailleurs, où là, c'est pas la mondanité qui est mise en valeur, mais au contraire, la ruralité, à travers le personnage de Charles Bouvary. Donc, ce sont des mondains, et ils ont besoin d'être mondains. Le grand médecin, c'est celui qui est reconnu par la grande société, la société aristocratique. Donc, il se rend à ce dîner, il a besoin d'une boutonnière pour accrocher ses décorations, il est furieux parce qu'il va être en retard, la boutonnière n'a pas été faite. Donc, il y a ce côté-là, et puis il y a le docteur Dieu la foi, qui est le dieu en quelque sorte. Et comme son nom l'indique. Oui, tout à fait. Doublement. Ouais. Et les noms sont importants, évidemment, pour Proust. Donc, c'est un ami du père, du héros, et c'est un ami aussi du duc de Guermantes. Parce que dans cette représentation de la mort, il y a aussi une représentation sociale. Et ce duc de Guermantes, qui se précipite pour présenter ses condoléances, agit par automatisme. Enfin, c'est le mondain qui, en fait, n'est pas vraiment sensible à ce qui se passe, mais qui est sensible à ses obligations mondaines. Donc, ces deux personnages sont ridiculisés par rapport et opposés à ceux qui souffrent du fond d'eux-mêmes. Donc, ce docteur Dieu la foi prend néanmoins le cachet. Alors là, on voit quand même le côté très fin observateur de Proust et le côté caustique par rapport à ce personnage de médecin. Bon, qui est apparemment un grand médecin, mais qui ne peut faire que constater l'agonie et qui néanmoins n'oublie pas de prendre son cachet au passage. François-Bernard Michel, un mot justement sur ces différents médecins. On n'a pas non plus évoqué le sort du docteur Cottard, qui n'est pas très tendre non plus. Oui, nous avons tendance, ces médecins, à les juger très sévèrement, et ils le méritent. En réalité, ils sont totalement impuissants, ils n'ont pas les médicaments de l'asthme. Bon, ces médicaments, ils arriveront beaucoup plus tard, dans les années 70, avec le vrai remède, c'est-à-dire la cortisone inhalée en spray qui donne aujourd'hui aux asthmatiques, la majorité des asthmatiques, une vie confortable. Ce qu'on peut leur reprocher à ces médecins, ce n'est pas leur impuissance, bien sûr, c'est le fait de ne pas l'avouer. Car le médecin a une tendance, j'espère qu'elle leur a passé, lorsqu'il ne sait pas, c'est de ne pas dire « je ne sais pas ». Et alors il invente. Et évidemment, il invente n'importe quoi. Et c'est ainsi qu'on avait inventé les fumages avec une histoire qui venait de l'Égypte ancienne où on avait pensé qu'un individu, en faisant brûler des feuilles, soulageait la respiration. De même, le rhinogoménol, les derniers jours de Proust sont obsédés par le rhinogoménol. Après lui, c'est un désinfectant. Célestine Albaré, il faut que se farcisse de rhinogoménol. Madame Verdurin s'en passe après, elle a des complications. Enfin, tout ça pourrait faire une barrière au pneumocoque. Donc vous vous rendez compte le côté dérisoire de toutes ces thérapeutiques. Mais enfin voilà, bon, ils n'avaient pas le courage de dire, on sait pas, et alors ils couraient des expédients. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus nous parler de Proust, de la médecine et des médecins. Merci Mireille Naturel. On peut vous lire pour compléter eh bien l'écoute de cette émission dans cet ouvrage collectif que vous avez dirigé, Littérature et médecine, le cas Proust, c'est aux éditions Hermann. François-Bernard Michel, merci encore également d'avoir été avec nous. On peut vous lire dans Le Professeur, Marcel Proust, c'est aux éditions Gallimard. Je vous rappelle eh bien que cette émission sur Proust fait partie du grand podcast Proust avec toutes les productrices et tous les producteurs de France Culture qui ont consacré une émission pour essayer d'appréhender de manière panoramique l'œuvre monumentale de Marcel Proust, ce grand podcast Proust. Vous pouvez le retrouver bien évidemment sur le site franceculture.fr ainsi que sur l'application Radio France. Un grand merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Mariam Ibrahim, Antoine Beauchamp, Amel Boucherka, Céline Lozen, Natacha Triou, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, qui ai-je oublié? Eh bien, je pense que c'est tout. Ah, mais non, Olivier Bétard à la réalisation et Titouan OX à la technique. On se retrouve évidemment demain pour une émission spéciale en direct du festival de Gérardmer, du festival du film fantastique de Gérardmer, jusqu'à preuve du contraire.